Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié un entretien qui dit notamment « Entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. En dépit de la protestation et de l'accusation unanime de l'intérieur et de l'extérieur du pays, le Japon et les fantoches sud-coréens ont conclu un accord sur la protection des renseignements militaires. La conclusion de l'accord, sous prétexte de faire face à notre menace nucléaire et des missiles à l'instigation des États-Unis, est une action hostile intolérable contre nous. La confrontation militaire et la tension continuent à présent dans la péninsule coréenne par des manœuvres scélérates des forces hostiles, comme les États-Unis et le Japon, contre notre République. Étant qu'action des fantoches visant à nous faire disparaître en se joignant à la politique hostile contre la Corée et aux menées de menaces et de chantage nucléaire des États-Unis, cet accord ne produira qu'un résultat qui aggrave davantage le danger de guerre dans la péninsule coréenne. C'est un défi ouvert contre l'aspiration des Coréens et de la communauté internationale qui veulent la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région. Par la conclusion de cet accord, l'alliance militaire tripartite américano-nippo-sud-coréenne sous la manipulation des États-Unis sera réalisée. Donc, la situation de la péninsule coréenne et de ses alentours, le point le plus chaud dans le monde, devient plus instable et la paix et la sécurité font face à une nouvelle menace. La réalité montre clairement que les États-Unis et leurs suivistes qui s'acharnent frénétiquement aux actes hostiles contre notre République sont les auteurs qui détruisent la paix et la stabilité et aggravent la confrontation et la tension. À travers la conclusion de l'accord de coopération militaire contre notre République, le Japon tente d'ouvrir le chemin vers une puissance militaire et de réaliser l'ambition de réagression, et les fantoches sud-coréens cherchent à s'échapper de la pire crise de domination. Mais les manœuvres du Japon et des fantoches sud-coréens n'accélèrent que leur ruine. Face aux menées des forces hostiles risquant de faire éclater une guerre plus que jamais, nous renforcerons davantage les forces armées autodéfensives axées sur les armes nucléaires et déjurons résolument même la moindre provocation des ennemis au nom de Sun Gun. Le 25 novembre de l'an 105 de Jutsé 2016, Pyongyang.